Les personnalités de divers pays apprécieront le dirigeant suprême Kim Jong-un. Le président du Parti national progressiste unioniste égyptien, le coordinateur général du secrétariat politique fédéral du Parti gauchiste uni vénézuélien, le chef du cercle suisse d'études des DDJT, le directeur de la société LTD russe Sip Tsehu, l'administrateur général du Comité africain d'études des DDJT et le président de l'association pakistanaise d'études des DDJT ont fait parvenir au dirigeant suprême coréen les messages de félicitations à l'occasion du jour de sa promotion au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Ils ont noté que sa promotion a permis à la Corée d'entrer dans une nouvelle époque pour réaliser brillamment l'œuvre d'éternité de la mémoire de leader et continuer à jamais l'histoire révolutionnaire des leaders précédents en prenant la transformation de toute la société par le kimilsonisme-kimjongnisme pour programme suprême du Parti Travail de Corée.